locataires, proposons tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons, mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire. À la cloche de bois, vous parlez des luttes pour l'accès au logement pour toutes et tous. Et en soutien en lieu de vie alternatif et autonome, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs. Une fois par mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Salut à vous, auditrices et auditeurs. Dans ce 16e épisode de l'émission À la cloche de bois, on parlera surtout de gentrification. Mathieu Van Krikkingem, l'auteur du livre Contre la gentrification, désigne par ce terme, gentrification, toute forme de réaménagement des espaces populaires en espaces à l'avantage et à l'image des classes moyennes ou supérieures. Ce réaménagement peut ensuite recouvrir des formes très diverses d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre, dans une même ville. On commencera l'émission avec un tour de l'actualité sur la question du logement, puis on passera le début d'une longue interview avec Mathieu Van Krikkingem sur ce phénomène de gentrification, en particulier à Bruxelles. On vous présentera ensuite la première édition de la gazette Intersquat Occupe Bulozer, dans laquelle on parlera projet immobilier et occupation. On donnera justement la parole aux habitants de l'occupation de la zone nôtre menacée par un projet immobilier. Enfin, on terminera par un enregistrement à propos de la gentrification dans le quartier des Richeclercq, dans le centre-ville de Bruxelles. Et pour accompagner tout ça, Monsieur Paul et ses amis mettront du son sur les mots avec des impros en live. Bonjour les petites louves, bonjour les petits loups, c'est Jeannot, c'est la 16e émission de À la cloche de bois et nous nous retrouvons pour les news. On va longer le canal et on va faire un petit retour sur le contexte du projet Key West Arrive au bord de ce canal de Kurgem à Anderlecht, le bâtiment que les promoteurs Immobel et BPI Belgique veulent détruire pour y construire leur merde, a été squatté pendant plus d'un mois et avait donné lieu à des chouettes rencontres entre habitants du quartier qui résistent aussi de manière très différente à cette gentrification du quartier. Le foyer de résistance de la digue du canal dit avoir quitté les lieux après l'annonce d'une expulsion. Mais que la résistance continue. Il faut checker la gazette de la digue qui apparaît tous les 15 jours en format papier et qui est largement distribuée dans le quartier. Et à propos de la résistance qui continue, une assemblée ouverte pour réfléchir à des activités pour le quartier en opposition au projet et en faveur de la vie dans le quartier aura lieu ce samedi 15 janvier à 14h à l'occupation autogérée Queer Naast Monique au 230 quai de l'Industrie, à quelques pas du pont de Kurgem. Bienvenue à toutes et tous avec plein d'idées créatives et rebelles. Il y a un slogan qu'on connaît tous bien qui est « Ah bah, l'État, les flics et les patrons !» On pourrait rajouter « Ah bah, la loi du pognon !» Et s'il y a bien un secteur qui ne manque pas de pognon, c'est le secteur de la promotion immobilière. Une excellente étude vient d'être publiée sur le site d'Inter-Environnement Bruxelles. Cette étude a pour titre « Ce que la promotion immobilière fait aux logements et aux habitants de Bruxelles ». On vous explique dans comment la promotion immobilière façonne la ville. Qui sont certains des acteurs de premier plan actifs à Bruxelles sur cette gentrification et sur le tout béton? Quels sont les impacts de la financiarisation croissante d'une part du logement sur les habitants bruxelloises, en mettant en lumière les mécanismes, les acteurs et les réalisations des promoteurs immobiliers? Cette étude invite à se défaire du pouvoir ensorcelant de la finance et des récits qui l'accompagnent. Pour retrouver cette étude, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Inter-Environnement Bruxelles, www.ieb.be, et de taper dans l'onglet « Recherche » à côté de la petite loupe. Vous tapez « Promotion immobilière » et l'article viendra à vous. Alors, ça chauffe pour le moment du côté de Uccle. Les riverains du Kayembemt sont en colère face à un projet de logement régional qui pourrait rogner plus de 20 000 mètres carrés de ce Kayembemt. Le Kayembemt est un vaste espace vert arboré situé à la limite de Drogenbos. Sur son site, Bruxelles Environnement qualifie ainsi la zone concernée. Cet espace, semi-naturel, a une grande valeur écologique. Il combine un environnement champêtre avec ses marais et potagers et un espace boisé. La zone marécageuse, je vais y arriver, et les prairies fleuries offrent les plus beaux paysages du site. Le terrain appartient à la région bruxelloise. Sa gestion est confiée à Bruxelles Environnement. Au PRAS, plan régional d'affectation des sols, les terrains concernés par le projet de logement se trouvent en zone constructible. La Société régionale de logement de Bruxelles y projette la construction de 92, certains habitants citent le chiffre de 74, logements et d'une cinquantaine de places de parking. Une partie du site est classée, dont le moulin Neckersgat, qui date du XIIe siècle, et fut jadis un moulin à papier grâce au courant du Gulleidsbeek, qui est une petite rivière qui passe à côté. Une vingtaine de potagers agrémentent également le site. Les logements envisagés par la SLRB viendraient prendre la place d'une grande partie de ces potagers. Aussitôt connues les intentions régionales, le comité de quartier s'est mobilisé pour s'opposer au projet. Une pétition a recueilli quelque 2700 signatures. Membre du comité, Jacques Isherbur se défend d'avoir succombé au syndrome du NIMBY, Not in my backyard, en anglais dans le texte. De notre part, nous dit-il, on ne dit pas « allez construire chez M. X ou Mme Y, plus loin, loin de chez nous ». Mais il est clair que dans cette zone-ci, ce n'est plus possible. Attention, nous, en tant que comité de quartier, il y a 15-20 ans, on s'est battu avec des habitants pour qu'il y ait des logements sociaux qui se construisent rue Vorvloot. On n'a rien contre, on était même pour. Outre la nécessité de préserver un écrin de verdure en intérieur, dis-le, Godefroy de Calataille insiste sur un autre élément de nature à remettre en question la pertinence du projet de logement. En juillet, bien sûr, tout le monde se souvient des inondations en Wallonie. Mais il y en a eu ici aussi. Le Gulleidsbeek a débordé. Ici se trouve ma maison. Et devant, cette pelouse était tout à fait inondée. Les pompiers ont dû intervenir. Il y avait pratiquement un mètre d'eau. Clairement, la zone est inondable. Alors, à la cloche de bois, évidemment qu'on est pour la construction de logements, la rénovation de logements, pour que chacun et chacune ait un toit. Mais ici, c'est très clairement au milieu d'une zone verte et d'une nature qui est à défendre. Alors, que les riverains du quartier, du Gulleidsbeek et du Kayembemt qui nous entendent se rappellent qu'à Arlon, il y a des jeunes, des moins jeunes, qui se sont levés pour créer une ZAD et qu'ils ont défendu cette nature pendant plusieurs mois. Elle a malheureusement été expulsée, la ZAD, mais au moins la résistance a eu lieu et c'est bien ça le principal. Alors, en parlant de résistance, on va écouter maintenant un petit groupe qui déménage et qui va nous chanter une petite chanson sur laquelle, si vous êtes chez vous à la maison ou même ailleurs, n'hésitez pas à pousser un petit pas de danse. Now you do what they told you. shows the white, the shuffle fire, those that die are wearing a bag. So those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Vous les avez reconnus, je suppose, c'était Rage Against the Machine avec leur titre Killing in the Name, qui était enregistré à Finsbury Park à Londres en 2010. Le logement à Bruxelles, la probabilité d'une occupation d'immeubles toucherait plus de 10 000 bâtiments. Ces 10 000 bâtiments représentent à eux seuls entre 17 000 et 26 000 logements selon une étude de chercheurs de la VUB et de l'ULB. Ces chercheurs ont développé un outil de croisement de données permettant pour la première fois d'obtenir une base de données des logements présumés inoccupés sur l'ensemble de la région. À terme, l'identification des logements inoccupés à Bruxelles fera l'objet d'un relevé systématique. Sous la législature précédente, la région Bruxelles-Capitale avait subsidié les communes via un appel à projet annuel afin qu'elles mettent en place des observatoires communaux des logements inoccupés. Malgré ce dispositif, la majorité des communes est toujours restée à un stade d'expérimentation des techniques d'identification de ces logements. En 2019, seules 5 communes avaient fourni un inventaire totalisant seulement 657 logements inoccupés. Le secrétaire d'État au logement, Nawal Benhamou, a décidé de centraliser cette identification des logements au niveau régional bruxellois. Et ça mène à l'enquête dont je vous parle actuellement. Cette équipe de chercheurs de la VUB a donc été mandatée pour analyser la faisabilité et l'opérationnalité d'un recensement des logements inoccupés sur l'ensemble de la région. Cette équipe pluridisciplinaire a croisé des milliers de données relatives aux logements bruxellois. Le cadastre, le registre national, Vivacois, l'urbanisme, et a établi un modèle mathématique permettant d'obtenir une première base de données de logements présumés inoccupés sur l'ensemble de la région. En appliquant ce modèle mathématique à l'ensemble du parc d'immeubles de la région, l'équipe de chercheurs a estimé la probabilité d'une occupation toucherait donc près de 10 000 logements. Des indicateurs ont été établis et ils ont permis d'attribuer à chaque bâtiment un score de, entre guillemets, probabilité d'inoccupation. sur une période de 5 ans, allant de 2015 à 2020. Au départ de constats, entre autres, de l'absence de domiciliation, d'une faible consommation d'eau, d'un surplus d'unités de logement par rapport à un nombre de domiciliations. Les prochaines étapes de processus porteront sur la réalisation d'enquêtes ciblées. Bruxelles Logement concentrera ses efforts sur les 3500 biens ou environ 13500 logements pour lesquels personne n'a été domicilié et qui n'ont enregistré aucune consommation ou une consommation très faible d'eau ces 4 dernières années. L'embauche de personnel supplémentaire pour réaliser cette enquête et le financement régional d'un équivalent temps plein et à l'assistance de la région pour remettre les biens inoccupés sur le marché, a encore précisé Nawal Benhamou par voie de communiqué. Alors si on peut s'inquiéter justement de ce flicage, il n'en demeure pas moins que dans beaucoup de cas, les logements inoccupés servent uniquement à la spéculation immobilière et à faire gonfler de manière complètement artificielle le prix de votre loyer. N'oubliez jamais ça. Signez la pétition contre la démolition-reconstruction. Il y a 2 mois, l'ARO, Ebral Bruxelles et Inter-Environnement Bruxelles organisaient une journée d'études visant à objectiver l'impact écologique des opérations de démolition-reconstruction. Démolir, puis reconstruire en arguant de la performance énergétique d'un nouveau bâtiment est une recette magique pour les promoteurs, occultant derrière l'argument écologique une motivation qui est exclusivement économique. Or, de nombreux permis de démolition-reconstruction continuent à être délivrés sans avoir fait l'objet de bilans environnementaux indépendants. Les plans d'aménagement directeur actuellement en débat ou en passe d'être adoptés font eux aussi l'impasse sur ces bilans. Nos amis de The Shifter Belgium avaient en ce sens réalisé un bilan carbone du pad Mediapart que vous pouvez trouver sur un Google Drive. Ils ont lancé une pétition visant l'obligation de mesurer l'empreinte carbone des projets urbains de la région Bruxelles-Capitale. Il s'agit d'une pétition adressée au Parlement bruxellois. Si elle avait été signée par 1000 personnes, elle ouvre le droit à une audition devant la commission parlementaire compétente. La pétition est disponible à https://democratie.brussels/initiative/i-113. Derrière cette adresse un petit peu compliquée, on vous la mettra sur le site de la Cloche de Bois, comme ça vous aurez plus facile à la retrouver. Alors, en parlant de démolition à tout va, c'est parti pour une décennie de travaux à la Gare du Nord. Après une mobilisation importante dans le cadre de l'enquête publique sur le centre communication Nord, le bâtiment surplombant la Gare du Nord, la commission de concertation remet un avis unanimement favorable. Il y a eu pourtant plus de 90 courriers envoyés et 7 citoyens étaient présents afin de formuler plusieurs dizaines de remarques sur les faiblesses du dossier. Bien qu'une grande partie de ces remarques ait été reprise dans l'avis d'enquête publique, seules des demandes marginales ont été imposées aux promoteurs privés, encore et une fois malheureusement. Plus grave encore, le problème de fond de ce dossier, à savoir le saucissonnage du projet en différentes étapes, n'a absolument pas été adressé. La commune de Schaerbeek autorise donc la démolition d'un bâtiment sans aucune identification ne puisse être donnée par le promoteur sur les intentions qu'il a pour le futur aménagement du site. Donc, si vous me suivez bien, on va démolir le centre communication Nord, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. C'est d'autant plus interpellant que la commune de Schaerbeek est en train de revoir le plan d'affectation des sols qui régit le site du centre de communication Nord. À ce stade, le promoteur s'est contenté de communiquer sur l'occupation temporaire de la dalle après démolition. Ce faisant, il devient impossible de comparer les coûts environnementaux et les nuisances directes d'une démolition de ce bâtiment à ceux de sa rénovation. La seule certitude qu'apporte le promoteur, c'est que le site de la gare la plus fréquentée du pays restera en travaux pendant les 10 prochaines années. Et ça nous fout la haine. La gentrification le long du canal de Bruxelles. On a commencé les news par le canal et on y revient. Sur la gentrification le long du canal à Bruxelles, une vidéo réalisée par les géographes de l'ULB à destination des élèves d'école secondaire a été faite. Je l'ai regardée avec mes enfants qui ont trouvé ça génial. Alors si vous voulez expliquer à vos enfants ce qu'est la gentrification, eh bien vous pouvez aller regarder sur YouTube et vous taper la gentrification le long du canal de Bruxelles et la vidéo sera directement présente. Mais si vous voulez pas vous embêter, eh bien vous allez sur le site de la Cloche de Bois où on mettra le lien pour que vous ayez plus facile à le retrouver. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne continuation à notre écoute et que ça se passe bien et à bientôt. Au revoir.

Dans la Gazette, il y a encore d'autres rubriques, comme des petites annonces, des keys and rights, des conseils d'ouverture, le bien-être, les nouvelles d'ailleurs, des mythes et légendes urbaines, etc. Cette Gazette a été imaginée et conçue début décembre 2021. Il n'y a pas un comité de rédaction, mais juste des personnes qui se motivent, quand elles veulent, pour se rassembler et en faire une. Pour participer à la prochaine ou bien de l'organiser, contactez la boîte mail de la Gazette InterSquatOccupe à balgio@tuta.io. Donc je vais vous décrire lettre par lettre. Donc balgio@tuta.io. Bonne rédaction ou bonne lecture. Je suppose que ces gazettes, vous trouverez dans chaque occupation squat à Bruxelles. Capitalisme, oh no. Capitalisme is a weapon of the evil to control your way of living. Teaching money is the only. Capitalism is a new form of slavery to control your way of living. Teaching money is the only truth. Some money rule things in that insane world where we're losing our humanity for silver and gold. Where the illusion don't let us see the reality. Where the goal in our life is at the biggest TV. So they corrupt humanity as they get richer. You into a depth so then they can control you. quelques mois, Zone Neutre, un collectif de 250 personnes sans papier, enfants inclus, s'est installé dans un bâtiment sur le bord du canal de Bruxelles, au début de l'avenue du port. Le bâtiment était occupé il y a quelques années encore par la banque KBC. Depuis 2016, au moins le bâtiment est vide. Il a été racheté par un promoteur anversois, Triple Living, dont le projet est de tout raser alors que la construction date d'il y a 20 ans à peine et de construire 3 tours de logements, hôtels, commerces, bureaux, parkings et autres équipements. Il y a fort à parier que le prix des logements resteront hors de portée de la plupart des Bruxellois. Un habitant nous explique tout ça. On ne sait pas l'histoire exactement. Avant, on était dans une autre occupation à la place Luxembourg, pas loin de la place Luxembourg. Et là, le bâtiment était vendu. Depuis 2017, il est fermé. Et quand on a entré directement, on constate que c'est un bâtiment privé, c'est pas la KBC. Et voilà que c'est une propriétaire, on peut dire, des riches qui investit que dans l'immobilier. L'immobilier, comme on dit, pour les riches, pour sophistiqués, etc. Alors, ce qu'ils veulent, ils veulent tout raser, ils veulent tout démolir. Comme vous voyez, c'est un bâtiment qui est tout neuf. Et ils vont la démolir pour mettre un autre projet de 3 tours. Je ne sais pas, plus de 10 étages, je ne sais pas combien, mais c'est vraiment comme on a vu quelques plans qu'on a entrés, quelques photos des plans de projets, vraiment ces 3 grands tours. Et là, on a trouvé que les voisins, eux aussi, sont fâchés sur ça, sur cette déclaration de démolir le bâtiment. Après, on a entendu qu'il y a un truc aux justices à travers des citoyens du quartier, des gens qui habitent dans le quartier. Eux sont en train d'attendre un appel d'État concernant de ce projet parce qu'ils ne voulaient pas que ce projet se passe. C'est du logement qu'ils veulent faire Peut-être c'est du logement. Ouais, c'est des tours de logement. Tu sais quand est-ce que ça a été construit? Je crois dans les années 2000-2010, comme ça. Voilà, c'est nouveau. Hein. Nous, on veut ici, pour nous, c'est sophistiqué ça. Voilà, il y a moins de. Par exemple, il y a 4 degrés là-bas. On est dans une salle, pas chauffée, pas. Et regarde, trop bien, parce qu'il y a des vitres qui sont vraiment triple vitres. Et voilà, regarde, il y a des choses qui sont bien faites, etc. Ça, c'est une banque. Avant, c'était une banque. Ça veut dire qu'il y a assez sophistiqué pour leur truc. Donc, vous êtes combien actuellement dans le bâtiment, environ 160 qui dorment actuellement dans le bâtiment. Après, dans le collectif, on est un peu nombreux. On dépasse 250. La première rentrée, c'était avec le collectif, on était 250, et voilà. Et je vois qu'il y a d'autres collectifs aussi qui viennent ici. Je voyais à l'entrée, il y avait une affiche pour... Cet espace, on a essayé de... Bonjour. Cet espace, on essaie vraiment de le rendre, de faire un espace social et travailler sur le socio-culturel et travailler sur l'accompagnement des gens et surtout les personnes qui sont comme nous sans papiers. Et alors, ce qu'on a essayé d'installer, premièrement, c'est un accompagnement avec une stagiaire d'une organisation, association qui vient de temps en temps chez nous. Une stagiaire qui vient, qui fait l'accompagnement des personnes. Après, on a d'autres groupes de travail. C'est les groupes de travail, bien sûr. Le groupe de base, c'est le groupe sécurité, groupe cuisine, groupe nettoyage. Ça, c'est le groupe de base. Après, le groupe culturel et réflexion, c'est le groupe qui travaille sur la programmation de quelques activités dans le sens socio-culturel. Et la réflexion, c'est donc pour la lutte, la programmation des manifs, et le suivi, bien sûr, de pas mal des projets qu'on a. Alors, on essaie entre le travail de l'intérieur et il y a un travail, bien sûr, de l'extérieur. Et l'intérieur, on essaie vraiment d'engager d'autres personnes qui viennent la première fois, tu vois, de les engager dans les groupes de travail, d'offrir un espace. Alors, ce qu'on a, par exemple, comme les cours, parce qu'on a des habitants qui ont cette compétence de donner le cours. Alors, on a les cours anglais, français, ça c'est d'office, on a ça. Et un jour, il y avait quelqu'un qui propose des cours Deutschland, tu vois. Et là, ils ont commencé, ils ont fait une fois ou deux fois, mais après. On essaie de travailler sur, voilà, tout ce qui est, on peut dire, médiatiser ce qu'on fait, et aussi médiatiser d'autres choses. Alors, on essaie maintenant de travailler, de commencer de travailler sur un atelier d'écriture pour avoir quelques matières pour un support papier de KBC de notre collectif. Aussi, comme vous le savez, tu le savais toi, on anime une émission radio, ça fait des années, sur Radio Panique. On va re-essayer d'engager d'autres personnes. Essayons, voilà, de travailler sur ces côtés-là qui peuvent, premièrement, pour l'objectif que faire participer d'autres personnes qui sont avec toi, qu'il apprend dans pas mal de choses, et aussi à amener notre voix autrement à la société. Et presque c'est comme ça comment on est organisé un peu. Et donc là, c'est pour l'organisation en interne. Et tu disais aussi que vous essayez de porter des revendications à l'extérieur. Tu peux me parler un peu de ces revendications? Alors, notre revendication claire, comme en général, on a la revendication de régularisation à tous et toutes les sans-papiers en Belgique. Et la question de comment, parce que c'est ça, on ne va pas dire la valeur de la zone neutre, mais c'est ça vraiment notre approche. C'est pas comment on voit, comment on voulait vraiment participer dans un discours qui va amener des choses un peu claires sur cette régularisation à tous les sans-papiers, etc. Alors, à travers, par exemple, je parle pas de In My Name là, mais les points qui sont dans In My Name, c'est des points In My importants. Name, tu peux expliquer ce que c'est? C'est une campagne de citoyens qui propose un changement des lois, qui propose quelques lois. Et là, il y a des points, des critères pour avoir vraiment une critère clair et permanent à tous les sans-papiers, soit aujourd'hui, soit demain. Tu disais que vous étiez en lien avec d'autres collectifs de sans-papiers ou d'autres collectifs militants. Zone neutre, je suppose que c'est en rapport avec ce qui s'est passé au béguinage. Ben, c'est ça, c'est vraiment, c'est enchaîné. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça, c'est enchaîné. Il y a pas mal de militants, parmi eux, moi aussi, j'étais dans ce mouvement avant béguinage. La zone neutre, c'était dans la fin de la grève de faim, quand il y avait, voilà, la déclaration que les grévistes voulaient arrêter la grève de faim, et l'État voulait faire des bureaux qu'ils appelaient zones neutres pour examiner les dossiers des grévistes. Alors, comme des militants, on a réagi politiquement pour répondre sur deux choses. La première, pour dire à l'État que l'État elle-même n'a pas confiance sur son bureau de l'Office des étrangers, puisqu'il mit un autre bureau qui le s'appelait zone neutre. Ça veut dire qu'il y a un problème dans cet établissement qui est l'Office des étrangers. Ça, c'est un. Le deux, c'est pour aussi réagir, parce qu'il y avait une rumeur, pas mal de sans-papiers qui sont venus de partout d'ici en Belgique, comme quoi il y a une régularisation, il y a un bureau de zone neutre, on peut déposer aussi nos dossiers. Et là, ce n'était pas le cas. Alors, la zone neutre pour M. Sami Mehdi, c'est diffuser aussi. Le fond, c'est de diffuser entre les mouvements, les sans-papiers, etc. C'est agrandir l'espace de division. Parce que si quelqu'un accepte que son dossier entre dans cette zone neutre, pour moi, désolé. Je ne fais pas vraiment des calculs politiques. On a réagi de dire à l'État que vous n'avez pas confiance dans votre bureau de l'Office. Ça veut dire que c'est là où on examine. Et deuxièmement, vous voulez rediffuser, re-agrandir la truc, puisque vous voulez que examiner 470 personnes. Et là, avec cette réaction, il y a eu une directe, parce que c'était une réaction dans le terrain qu'on a réagi. Il y a eu une manifestation, une petite manifestation sauvage là-dessus. Et on a fait notre speech, qu'on a éclairé les choses, que voilà ce bureau c'est quoi. Et on a commencé à s'organiser depuis là. Alors après, on a pris les contacts des gens, tu vois, commencé à faire ça. Et après, on a fait un AG général. Et tout le monde a été d'accord que le nom reste zone neutre, puisque ce qui nous a rassemblés, c'est la zone neutre. Juste pour en revenir à votre occupation ici. Donc, vous êtes rentré ici au mois d'août, c'est ça ? Et la fin du mois d'août. Et donc, vous avez eu différents contacts avec la commune. Est-ce que tu peux me parler de vos relations justement avec la commune, de son développement, à quoi ça a abouti ? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça aboutisse là où ça a abouti ? Tout le monde sache maintenant l'histoire de la KBC, ce qui s'est passé. Quand on est entré, vraiment, il y avait la première fois, le propriétaire qui est venu pour nous dire il faut sortir, Alors, il nous a dit que voilà, ils vont commencer les travaux. On lui a demandé quel jour, quand vous commencez les travaux. Il nous a dit le 15 septembre. Ça, c'est le début. Moi, je l'ai promis que s'il y a des travaux le 15 septembre, nous, on quitte. Ça veut dire que c'est clair. Ça veut dire que si on voit vraiment des machines, des trucs pour commencer à travailler, on ne va pas rester. Et là, il m'a dit, OK, vous allez voir. Le 14, ils seront là, les machines. Là, je dis, OK, il n'y a pas de souci. Le 15, on quitte. Il est parti. Il croyait que, voilà, le 15, on quitte sans qu'on voit quelque chose. Et là, le 16, il m'appelle. Il me dit, ouais, tu ne tiens pas la parole. Je lui dis, c'est pas moi qui n'ai pas tenu la parole, c'est toi. Parce qu'on n'a rien vu. Et vous n'avez dit que le 14, ils seront là, des machines, etc. Il n'y a rien. Alors, on va rester. Peut-être, je lui dis comme blague, peut-être le 15 de 2022, le 15 septembre de 2022. C'est une blague que je lui dis, mais après je lui dis, oui, je tiens ma parole, mais s'il y a vraiment des trucs qu'on voit, on va sortir. On était clair, vraiment, même avec les amis, Kamal et d'autres qui gèrent avec nous les choses ici, le collectif. Et là, après, voilà, il n'y a rien. À un moment, on entend qu'il y a l'appel d'État qui était passé. Comme je t'ai dit, il y avait les voisins qui nous a dit, oui, on attend un appel d'État. Peut-être il y avait ce jugement. On voit le propriétaire qui vient, qui dépose un panneau, des petites cartes, etc., qui sont tenues leur permis, un nouveau permis. De travail, etc. Ils vont commencer les travaux. après, on a commencé vraiment à faire voilà, nos appels à la commune, de savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, même les voisins, ils n'étaient pas au courant qu'il y a vraiment l'appel est sorti, les choses vont machin. Et après, il y a la commune qui nous appelle à une rencontre, la première rencontre. Donc ça, c'était quand? Je ne me souviens pas, mais c'était le mois passé, décembre. Début décembre ou la fin de novembre. Et pour nous informer, c'est ça la première rencontre, c'est pour nous informer que le propriétaire a eu son appel et elle est là, voilà, c'est peuvent vraiment appliquer, etc. Et là, il nous informe sur ça pour que ça se passe bien, pour qu'on nous quitte, etc. Nana. Et alors, il faut vraiment, il nous a donné l'info qu'il faut qu'on cherche. Et, voilà, on cherche un bâtiment, on cherche un truc. Et eux aussi, ils ont dit qu'on va vous chercher. C'est un moyen. Surtout, il a insisté que dans son territoire, il n'y a pas de bâtiment. Mais dehors, voilà, ils peuvent s'y trouver dans un autre bâtiment, dans un autre lieu où il y a ses amis, ils peuvent voilà, négocier, etc. C'est ça ce qu'ils ont dit. La deuxième rencontre, c'était après une semaine, deux semaines, pour nous dire qu'il y a une proposition. C'est de diffuser le groupe sur deux. Ils ont trouvé un hôtel parmi les hôtels de Covid, etc., pour 70 personnes. Et un autre lieu pour 30 personnes. Ça veut dire, une centaine. Je veux bien une centaine et le diffuser. Et après, nous, on n'a pas accepté direct sur ça parce que c'est une diffusion entre le groupe. Si on fait. Ah, merci, Kamel. Si on accepte, c'est on se divise, c'est clair. Alors directement, on a réagi, nous, de contacter pas mal des organisations, de nos camarades, de nos amis, de faire une mobilisation autour de cette question. On a fait un appel à un rassemblement ici devant le bâtiment. Voilà, qui a donné vraiment un peu de fruits, comment on peut dire, qui a donné vraiment de sérieux sur la question. Et donc la commune essaie de vous rencontrer, vous rencontre, vous dit qu'elle va essayer de trouver une solution de relogement, mais le propriétaire n'a pas du tout essayé de faire de procédure en justice de paix pour vous expulser. En gros, il n'y a aucune procédure d'expulsion. Non. On n'a jamais ça. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un ordre de l'expulsion de la part de propriétaires. Et comment vous expliquez justement que la commune essaye de trouver une solution de relogement alors qu'il n'y a aucune procédure d'expulsion? C'est ça la question qu'on pose toujours, parce que pourquoi la commune, au départ, voilà, on peut dire, se pose dans cette situation? Tu vois, parce que la commune, c'est neutre. C'est pour tout le monde, pour nous, pour le propriétaire peut-être, pour les citoyens qui sont derrière, etc. Et si une affaire qui est là, et cette affaire, c'est pas tout le monde d'accord. Les sans-papiers sont pas d'accord parce qu'ils logent, le propriétaire il est pas d'accord parce qu'ils veulent détruire ça, les voisins sont pas d'accord parce qu'ils voulaient pas un... Et donc, il y a cette mobilisation courant décembre, où tu dis que beaucoup de personnes étaient présentes. Il y avait vraiment pas mal des organisations, des personnes qui présentent des organisations, qui sont montrées leur soutien. Et ça dépassait ça, c'est que pas mal des organisations qui sont envoyées quelques lettres à Madame la Bourgmestre, qui a réagi vraiment directement concernant ces lettres-là, concernant bien sûr notre appel de jour de rassemblement. Alors, le lendemain, on a eu un appel de la part, pour une rencontre de la part du cabinet du bourgmestre. Et c'est là qu'on a eu une nouvelle, on peut dire bonne nouvelle, comme la commune a déclaré, une bonne nouvelle, etc. C'est que on va, voilà, être d'accord avec le propriétaire et il est d'accord sur que le 31, on reste jusqu'à le 31 mars et voilà, on donne les clés de ce bâtiment. Mais après, mon expérience est toujours les sans-papiers. Ça, c'est vraiment c'est un message pour tous les sans-papiers. Ce qu'ils font, les choses, ce sont qu'ils attendent quelqu'un d'autre. C'est à nous vraiment de prendre. Parce que c'est une action. Qu'on entre ici, si on entre ailleurs, c'est une action pour nous. Ce n'est pas que de logement. Pour nous, c'est d'autres choses que. Notre cause, on voulait que notre cause soit visible dans le quartier parce que ce qu'on est en train de faire avec la commune, etc., ça c'est un combat local. Si on n'a pas reconnu par les communes, etc., comment on peut avoir vraiment un rapport de force qui va y aller vers le fédéral? Et c'est ça vraiment, les occupations des sans-papiers, vraiment, ça sert à beaucoup de choses. On peut voir que pour le logement, mais pas que le logement, c'est vraiment pas mal des choses qui viennent à travers une occupation. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc, en attendant, c'est pas marrant. Je vends mes bras à qui on veut. Ça ne se voit pas, mais je sais tout faire. J'ai 13 métiers et des misères, 14 misères. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc, en attendant, c'est pas marrant. C'est une étape, m'avait-on dit, c'est juste un rôle qu'il faut jouer. De la paperasse qu'il faut gérer. Faut de la patience pour s'insinuer. Ainsi nuit et jour. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc. C'est pas marrant. Le temps s'écoule, la vie aussi, le rêve s'égare. Dans les nuées, faut s'accrocher, même sur les bords, couché par terre, à Gare du Nord, encore et encore. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc. En attendant, on sait pas marrant. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant. Merci à Mathieu pour cette interview et aux personnes qui occupent ce bâtiment de KBC. Vous pouvez les retrouver sur Facebook à l'intitulé suivant, collectif Zone Neutre Occupation KBC, collectif Zone Neutre Occupation KBC. Vous veniez d'écouter en bande son Ali Imran, Noir et Blanc, très chouette chanson. Alors sans plus attendre, on va continuer à écouter un petit son qui a été enregistré dans le quartier des Riches Clairs. Vous savez, c'est ce quartier qui est coincé entre la place Fontenasse et la Bourse. Au micro, on va entendre Wendy, bisous bisous, un vendeur d'une friperie et le responsable de la relation avec les habitants du quartier et du théâtre des Riches Clairs. Sans plus attendre, direction ce quartier des Riches Clairs. À deux pas, un podcast bruxellois qui donne la parole à celles et ceux qui témoignent, dénoncent et luttent chaque jour. Découvrez leurs récits de vie, leurs espoirs et leurs doutes, tout simplement. Pas besoin de courir le monde, la rencontre est là. À deux pas. Alors moi je suis vendeur chez Rare, c'est un magasin de seconde main qui est basé à Bruxelles, rue des Riches Clairs, depuis 3 ans. Et donc quand on a ouvert le magasin, ce quartier était encore en travaux pour justement installer le piétonnier à Bruxelles. Donc le piétonnier était déjà mis en place, c'était juste qu'il était en train d'être travaillé, quoi. C'était le grand brouhaha pendant toute une période. Depuis ces dernières années, j'ai vu en tout cas que, en ce qui nous concerne, le magasin de la seconde main a pris un peu d'ampleur. Et j'ai vu que, dans cette rue-ci en tout cas, suite aux piétonniers, il y a les trottoirs qui ont été refaits, qui ont été élargis. Il y a une dimension un peu plus clean au quartier. Et les magasins qui étaient là, par exemple, notre magasin ici, c'est un magasin qu'on a repris. On a fait des rénovations. Et du coup, vu que ce magasin ici est le magasin, notre deuxième magasin, Free Frap, on a fait des rénovations. On a vu qu'il y a d'autres magasins qui ont suivi, comme par exemple Bison 4 ou alors Foxhole juste à côté. Donc on voit que depuis le piétonnier et depuis que certains magasins ont vu qu'il y avait vraiment une occasion de redonner un nouveau visage au vieux shop d'ici, j'ai vu qu'il y avait une sorte de level-up et qu'il y avait un peu un coup de frais qui s'était fait depuis le piétonnier. Dans ce genre de magasin, je pense que le loyer augmentera peut-être un peu, mais la différence ne sera pas énorme. C'est plus le pas de porte, comme on l'appelle, qui sera... Je pense que c'est ça, c'est plus le pas de porte qui coûtera plus cher plutôt que le loyer, en fait. Je pense que c'est ça que ça amène. Et j'ai pas l'impression que ça amène une hausse des loyers si incroyable que ça. Parce que, certes, il y a eu un coup de frais, mais c'est pas non plus... On n'est pas passé du ghetto le plus dangereux du monde à la ville la plus huppée, quoi. Je pense qu'il y a eu un petit coup de clean, mais j'ai pas l'impression que ça ait changé énormément des choses. Après, peut-être que je me trompe, hein. Ça, j'en sais pas. Je sais pas vraiment, moi je suis pas habitant de ce quartier-ci, donc je saurais pas dire. Donc on se retrouve ici dans la bibliothèque anarchiste dans le centre, plus spécifiquement entre la Bourse et Annaissance, donc contre tous les rapports de pouvoir, sans distinction, sans hiérarchie. Et donc du coup, le lieu ici, on a une bibliothèque où on peut donc louer des livres, mais aussi on a une partie où on vend des livres qui sont autoproduits. Il y a les affiches, les publications de partout dans le monde, parce que ça aussi c'est important de faire un peu le lien de où est-ce qu'on se retrouve ici aujourd'hui et comment est-ce que ça interagit avec ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi, avoir un regard sur d'autres réalités, avec d'autres langues aussi. Et puis, il y a une partie archive. On reprend des publications d'il y a longtemps. On a des publications anarchistes des années 30 à Bruxelles et tout. Mais aussi d'autres parties du monde, des publications, etc. Donc, voilà. Et on est ici depuis 13 ans. Et c'est assez particulier parce qu'on a vu changer le quartier. Donc, on était là avant le piétonnier. On était là avant la mise en place du contrat de quartier ici à côté Fontanas, où ils ont un peu détruit le parc et construit un gros truc dessus. On était là avant l'arrivée des deux petites maisons à café, des friperies, etc. Et donc voilà, je voulais un peu partager par rapport à ça, de ce que ça fait effectivement d'être ici, entourée par un processus de gentrification. Pour moi, la gentrification, c'est un processus un peu complexe. Il y a des gens qui ont étudié les questions et tout ça, qui vont pouvoir le dire beaucoup plus clairement que moi. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu l'arrivée de certains acteurs, un peu voulu, très fort voulu par les pouvoirs publics, pour un peu chasser les personnes qui vivaient là avant et pour les remplacer par d'autres personnes, pour ce qu'eux, ils vont dire, valoriser le quartier. Donc, ils vont faire des travaux, ils vont faire partir, par exemple, des night shops. Avant, la friperie avait un night shop. Ils vont faire des trucs ainsi pour que, en fait, cet endroit-là soit plus agréable pour les touristes, pour que la valeur augmente, pour que les loyers augmentent et pour que, du coup, ça fait partir une partie de la population qui est non désirée, non désirable, et qui fait arriver des personnes avec un pouvoir d'achat plus élevé, etc. Donc, on a vraiment vu arriver ça ici. Donc, je me souviens encore avant, juste autour du coin, il y avait donc un night shop, et un jour, on a vu, le night shop, il va partir parce qu'il est non conforme aux règles. Et en fait, on voyait, à ce moment-là, je ne comprenais pas encore, mais en fait, ça se met très clairement dans un processus réfléchi. Donc, quelques temps après, il commençait à parler du piétonnier. Et puis, du coup, il y a une friperie qui est rentrée dedans, etc. Et ce qui est difficile, je trouve, avec le concept de gentrification, c'est que ça fait... Si on réfléchit, allez, c'est complexe, quoi. C'est pas pour dire qu'avant tout était mieux. C'est pas non plus pour dire que tout ce qui change est pour le pire. Par exemple, la dernière étape ici, c'est qu'ils ont réaménagé les rues. Et effectivement, c'est plus agréable maintenant de rouler en vélo. On va pas nier ça. Le piétonnier, je vais pas nier que c'est plus agréable avec ma gosse de se balader là. Mais il faut pas être dupe et il faut comprendre en fait tous les processus qui sont derrière ça. Et donc du coup, ici, nous, on a eu la chance que le loyer, il est resté pareil au fur et à mesure des années, ce qui est, je crois, unique à Bruxelles. C'est parce que voilà, on a une entente dans ce sens-là avec le propriétaire. Qui n'est pas sans contradiction non plus, mais au moins il y a ça de bien pour nous. Mais tout autour, la valeur, elle a augmenté de dingue. Il y a un restaurant italien, je crois, ou un restaurant à vin qui s'est installé à côté. Il y a plein de nouveaux commerces qui sont venus. Et donc, du coup, en fait, nous, normalement, le cours normal des choses, ça serait que nous, on paye un loyer qui est triple ou même plus, quoi. Et donc, du coup, nous, on pourrait... Normalement, on ne pourrait pas rester ici. Et donc, c'est assez dingue de se retrouver ici cloisonné entre... Donc, on a vraiment genre la partie droite contre la partie gauche. Donc, la partie droite, c'est le centre. Et on arrive vraiment la vague du centre avec le piétonnier, avec les friperies, avec les petits cafés où le café, il est quand même assez cher, etc. Et à gauche, on a donc le quartier Annessens qui avant, on était vraiment à la frontière. Et maintenant, en fait, la frontière nous a dépassés. Donc, avec le contrat de quartier, donc à gauche, à notre gauche, le parc Fontenaz, ils ont donc enlevé l'agora en bois qu'il y avait. Ils ont mis un gigantesque hall des sports, j'ai l'impression. Mais ça a enlevé une grande partie de l'herbe. Nous, on jouait là, je faisais des stages, des activités avec les enfants, etc. Et donc, tout ça, c'est devenu plus complexe maintenant. Ils ont quand même gardé une partie de jeu pour quand même pas trop fâcher le quartier. Mais on voit bien que le train, il est en route comme ça et il prend tout. Et en dessous de toute cette façade où les rues ont une meilleure apparence, où c'est chouette d'acheter des fringues cool et de prendre un latte, etc. Derrière cette apparence, il y a encore effectivement des logements dans la rue à côté, où en fait les personnes, ils ont pas de titre de séjour, ils n'ont pas de droits, les contrats ne sont pas en ordre, les loyers sont beaucoup plus chers pour l'insalubrité que c'est. Nous, on a vécu ça vraiment de très près, donc je sais très fort de quoi je parle. Et autour de nous, en fait, c'est une réalité qui est invisible, qui est rendue invisible, mais qui est là aussi. Et donc, on compose avec tous ces éléments-là au même endroit, quoi. On voit ici donc, les différentes réalités, donc c'est des choses qui sont invisibles, mais quand on est ici, ben, on voit les personnes, on voit les problèmes, comme par exemple l'incendie, il y a un incendie quelque part, ah ben voilà, il n'y a pas d'assurance, le propriétaire n'a rien géré, du coup qui paye, comment on fait, qui est protégé, voilà comment on fait, ou des moments aussi dans la rue, à l'été par exemple, on se mettait un peu dehors, on buvait un peu des bières dehors et tout, et on parle avec des personnes, on apprend à connaître le voisinage, mais qui a un peu qui va pas qui en anglais on dit doesn't fit in, donc ils vont pas dans le picture perfect comme ça de l'image qu'ils veulent vendre, et donc du coup c'est des personnes qui vont pas beaucoup sortir, pas beaucoup engager la discussion et tout ça, parce que c'est des histoires d'immigration, c'est des histoires de personnes pas documentées, etc. Donc du coup, c'est complexe. Et donc, c'est dur parce que d'un côté, c'est encore là, c'est rendu invisible. Et de l'autre côté, par le fait que les loyers haussent, bah, juste ça met très clairement face à un non-choix qui est de dire, voilà, on quitte ici, on ne peut plus vivre dans le centre. Donc, c'est vrai que le centre de Bruxelles, c'est un peu différent, comme par exemple le centre de Paris, par exemple, c'est inimaginable d'habiter là pour des personnes comme nous. Ben ici, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était encore possible, en fait. On se retrouve en plein centre et pourtant, il y avait encore des loyers abordables. Ben, tout ça, c'est en train de changer. Et donc, du coup, on entend de plus en plus de personnes qui s'installent à Denderleeuw, à Lost, à Charleroi, etc. Des personnes proches. Les gens, ils sont en train de quitter Bruxelles, en fait. Donc, qui bougent en d'autres parts de la ville, vers Evere, vers tous les endroits où, en fait, c'est moins cher. Et donc, ça devient une zone, en fait, qui est accessible que pour les riches et pour les touristes. Je m'appelle Lily Deplu, et je travaille au Théâtre des Richler où je suis médiatrice culturelle. Voilà, donc je m'occupe de tout ce qui est relation avec le public associatif, avec les associations de manière générale, mais aussi le public scolaire. Et donc voilà, mon but c'est vraiment de faire le lien entre des personnes qui ne vont pas forcément d'elles-mêmes au théâtre ou qui n'ont pas les moyens, forcément, moyens quels qu'ils soient, d'aller au théâtre, et des artistes et des projets artistiques. En fait, j'ai un ressenti assez particulier par rapport à ça parce que le Théâtre des Richler est vraiment à une position assez particulière. En fait, on est vraiment au croisement de trois quartiers différents. Enfin voilà, pour moi, on est vraiment au milieu de tout ça. Tout d'abord, le piétonnier. Ensuite, tout ce qui est quartier Dansard et un peu plus quartier de sortie avec Dansard Bourse, voilà, donc qui est un peu plus aisé. Et le quartier, Fontenay-Saint-Essens, qui est extrêmement précarisé. Donc nous, on est vraiment en croisement entre ces trois pôles. Ces trois pôles qui finalement n'interagissent quasiment pas. C'est ça qui est assez drôle. Il y a vraiment une frontière un peu. Les jeunes d'Annecens ne vont pas aller traîner dans le quartier Dansard, inversement. Le piétonnier, c'est un genre d'objet un petit peu mouvant. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc voilà, moi j'ai vu pas mal de changements en fait ici. Donc ça fait 8 ans que je travaille au Richler, donc j'ai vu pas mal de changements. J'ai vu surtout des écarts qui se creusent en fait avec le quartier Annecens-Fontenas qui est de plus en plus précarisé, qui est un petit peu oublié. Heureusement, il y a l'SBL Bravo, le centre communautaire Annecens qui essaye justement de créer des événements et de faire des choses. Mais c'est un quartier qui est bien connu de la police et qui est plus souvent célèbre pour ses faits divers que pour ses événements culturels et ses événements festifs de manière générale. Donc ça, il y a vraiment ce quartier très précarisé, hélas. Le quartier Dansard qui est justement, j'ai dit Dansard, c'est peut-être un peu loin, mais on est vraiment à cette limite-là, avec justement de plus en plus de commerce qui change en fait, et des boutiques qui deviennent beaucoup plus des boutiques de luxe. Bon, le Dansard a toujours été des boutiques luxueuses, mais alors ici, c'est carrément, c'est pas possible en fait, c'est Je veux dire, le commun des mortels ne sait pas aller s'acheter une veste à Dansard, c'est pas possible. Enfin, c'est pas grave, hein, attention, mais c'est une constatation. Et le piétonnier, où en fait, là, c'est au niveau des commerces qui étaient là avant, mais c'est l'hécatombe. Le quartier, en fait, a radicalement changé en l'espace de 3 ans, en fait. C'est ça qui est fou. Donc le piétonnier, en fait, a complètement précarisé des petits commerces qui étaient là, qui ont dû en fait être fermés en fait au bout d'un moment, et parfois des commerces qui étaient là depuis des années. Enfin, je pense à un restaurant notamment au jour de fête qui était là depuis des années et que le piétonnier a complètement assassiné. Alors bien sûr, le piétonnier c'est super là maintenant, mais ça a été des années en fait vraiment hyper pénibles. Et les petits commerçants qui n'avaient pas les reins des grosses chaînes sont tombés tous comme des mouches. Les bâtiments ont été à vendre, forcément. Ils ont été rachetés par je ne sais pas qui. J'ai l'impression qu'il s'agit de grosses sociétés. Je ne sais pas, attention, là, c'est mon impression. Je ne sais pas qui les a rachetés, des gros investisseurs, parce qu'il y a un genre de fondu qui se fait avec... pour moi, c'est devenu le quartier de la malbouffe, en fait. Il n'y a que des grosses chaînes, en fait, de fast-food qui ont ouvert. Donc j'ai pas l'impression que ce soit des investissements de petits propriétaires qui veulent faire de petits investisseurs, de petits entrepreneurs, mais plutôt des grosses chaînes qui ont racheté les bâtiments. Maintenant, c'est mon impression. Je ne sais pas ce qu'il en est concrètement, qui a racheté, je ne sais pas. Mais voilà. Au niveau des habitants, il y a eu pas mal d'immeubles à vendre aussi ici dans le quartier. Et voilà, on passe, on voit que les gens déménagent, on les connaît de vue, ils viennent parfois au théâtre, pas énormément, mais ils viennent quand même. Et en fait, les loyers augmentent, du coup les gens ne savent plus payer, du coup les locataires s'en vont, et les bâtiments sont vendus avec une plus-value, vu que maintenant le piétonnier est fermé. Et donc voilà, l'endroit se vide quand même assez bien, les loyers explosent, hein, c'est même pas augmente, c'est qu'ils explosent. On voit quand même beaucoup d'affichettes d'appartements à louer. C'est même pas des appartements à vendre, c'est des appartements à louer avec des loyers qui sont beaucoup plus élevés qu'avant. Donc oui, beaucoup de petits commerces qui ont disparu, qui sont remplacés par des grosses chaînes sur le piétonnier et qui sont remplacés par d'autres magasins un peu plus luxueux, enfin peut-être pas accessibles à tous. Ici dans le quartier aussi, on a vraiment quand même remarqué. Attention, c'est une généralité, je pense notamment à un magasin de jouets qui est pas loin d'ici, c'est accessible à tout le monde évidemment, et c'est là vraiment le prototype du magasin de quartier où on va pour avoir le conseil justement, où qui connaît tout le monde et voilà. Mais c'est pas du tout, ce n'est plus la majorité en fait des commerces du quartier, c'est autre chose, c'est quelque chose un peu plus bobo qui est apparu en fait. Voilà, c'est même les friperies, j'adore les friperies du quartier, mais c'est pas des friperies, entre guillemets, ça c'est des friperies enfin, assez chères, c'est normal, le quartier fait que voilà, ce sont des beaux produits, enfin forcément, attention, il n'y a pas de jugement de valeur dans tout ça, certainement pas, mais c'est un peu plus, c'est pas la friperie comme il y a 5 ou 10 ans en fait, où moi j'allais dans des friperies, où c'était vraiment une friperie, maintenant c'est un magasin limite... C'est branché en fait, c'est branché, donc du coup, vu que c'est branché, c'est un peu plus cher. Voilà, oui, j'ai vu, il reste encore des commerces de quartier, ça c'est clair, mais ce sont des gens qui ont du mal à survivre aux piétonniers, qui ont encore plus de mal à survivre à la période de Covid, au confinement. Donc ce sont des gens qui vraiment ont été saignés, quoi, vraiment, vraiment saignés, et qui tiennent tellement à leur commerce qu'ils font tout pour le garder. Notamment près de Plateau-Stein, là, il y a pas mal de petits commerces vraiment de proximité en fait, un opticien, un magasin de pantoufles qui est là depuis 120 ans, enfin des choses vraiment qui sont là, mais qui ont souffert aussi. Donc oui, tout ça pour dire que, enfin voilà, moi j'ai constaté de visu vraiment l'augmentation des loyers ici, beaucoup de bâtiments, des immeubles de rapport comme on appelle, qui sont vendus, et en discutant avec les habitants, on voit que c'est parce que les loyers ont augmenté, ils ont dû partir. Le piétonnier qui devient un genre d'objet mouvant, c'est pas trop ce qui est là. En fait, je me suis même posé la question, est-ce qu'il y a encore des gens qui habitent là? J'imagine que oui, parce que les bâtiments sont énormes, mais qui habite là? Je ne sais pas. Et c'est une fracture de plus en plus forte entre vraiment le quartier Dansard et le quartier Anessens. Ce sont des quartiers qui sont séparés de quoi, 500 mètres, même pas, c'est moins d'un kilomètre en fait. Oui, même pas un kilomètre, 500 mètres, et c'est... C'est vraiment, mais c'est le... Oui, enfin, le jour et la nuit, c'est péjoratif pour Anessens quand je dis ça, c'est pas du tout l'idée, mais... C'est une fracture très très forte, en fait, et de plus en plus forte, avec deux quartiers qui ne communiquent pas, en fait. Donc voilà, les Richler avaient été créés pour ça, pour essayer de dynamiser ce quartier-ci, en fait, qui était un peu laissé à l'abandon au niveau des, dans les années 80. Ça a bien marché, je pense. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font, mais c'est un premier élan, en fait. Ça n'empêche pas cette fracture, en fait, entre ces deux quartiers, avec ce piétonnier qui sera... Enfin, c'est vraiment un drôle d'endroit. Voilà. À deux pas, un podcast de Chloé Thaume, avec la musique de Fabrizio Cassol et Coup Fatal. Tenez, parlons concret, prenons un exemple. Imaginez un bâtiment qui est occupé avec plein de voisines. Un mélange, petites maisons, appartements, logements sociaux. Et dans ce bâtiment, attention, ils font des choses, hein, ils font plein d'activités. Il y a des belles idées, du marketing moral, comme on dit. La cohésion de quartier, la culture pour tous. Mais il y a des voisins qui sont pas contents quand même. Parce que quand c'était vide, c'était calme. C'était bien, c'était mieux. Donc pour certains, ça sera de la gentrification, et pour d'autres, pas du tout. Oh mais monsieur, mais est-ce que vous êtes contre le changement ? Ah non, je dis pas, hein, c'est important le changement. Mais c'est relatif. J'aimerais qu'on revitalise les espaces, vous voyez. L'espace urbain a besoin d'une transformation profonde. Faut changer l'espèce. Les gens qui gagnent, les gens qui perdent, qui investit, on ne sait pas. La grande loterie des mots. Ah, on l'aime Bruxelles, c'est sûr. On s'accroche, on se l'arrache, on se rue dessus. Mais puisqu'on est des millions, comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on partage? On l'aime Bruxelles, c'est sûr. On se l'arrache, on se rue dessus, mais puisqu'on est des millions, comment est-ce qu'on avance? C'est comme ça et pas autrement. Mais qu'est-ce donc la gentrification? Monsieur, dites-moi, expliquez-moi ces termes. Il parle savant celui-là, je comprends rien. Mais vous voyez, c'est important, mais il faut interroger les habitants toujours. Parce que comme c'est relatif, difficile de venir de forêt et de dire que là-bas ils font de la gentrification et qu'on peut essayer, mais qui pourra le dire au final? Investisseurs investissant l'espace, la gourmandise en l'espèce, des possessions de procédés gentrification. Allez, c'est la technopartie, la technocratie, la technocritique, vas-y, faites-nous une technochronique. Ah, c'est sûr qu'on l'aime, Bruxelles, c'est sûr qu'on se l'arrache, qu'on se rue dessus. Mais puisqu'on est des millions, comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on partage? Les rues, ces lieux qui persistent dans l'inconnu, un stylo de communion a reconnu ce bureau, c'est quoi? Assemblée générale avant le contact communal. C'est le mois du doute. Toute sortie définitive, le délai c'est courte. Ce qui m'énerve, moi, c'est quand les gens s'imposent, quand on leur dit non, mais malgré ça, ils continuent. Tenez-moi, si je commence à jouer de la musique dans la rue, et qu'on me dit d'arrêter, bah, ça me fait mal au cœur, mais je vais arrêter. Mais vous êtes vraiment un lâche. Vous n'avez pas de trip, vous n'avez pas de sang. J'ai la lâcheté de mon courage, oui, j'ai la lâcheté de mon courage. Pardon, excusez-moi. Ouais, désolé. Si les propriétaires étaient à votre écoute, ils vous feraient des promesses de pression. On vous attend encore, on aimerait des précisions sur l'action imaginaire de quelques bulldozers. Avoir un regard sur la multiplicité de nos réalités. On voit les changements, tout bouge. Est-ce qu'on bascule en même temps? En direct et en exclusivité, une page de publicité. Cette permanence du Front anti-expulsion, qui ont lieu tous les lundis, de 14h30 à 17h30 au Burtwinkel. Alors le Burtwinkel, c'est une association de quartier dont le but est d'améliorer la qualité du vivre ensemble pour et avec les habitants, habitantes du quartier. Et ça se situe Place Anne-Essens au numéro 13. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Front anti-expulsion, c'est un groupe de personnes, des locataires, des personnes sans-abri, des squatteurs, squatteuses, sans-papiers, habitants, habitantes, qui sont soutenus par différents collectifs et organisations et qui se sont toutes et tous regroupés pour lutter contre les expulsions de domicile et tisser un réseau de solidarité. Et leur but, c'est vraiment de passer d'un travail social individuel à une approche de résistance collective. Et d'ailleurs, on vous rappelle aussi que les permanences squat-logements se tiennent en fait au même endroit et à la même heure, tous les lundis, de 14h30 à 17h30 au Burtwinkel. Et ça se situe Place Annecens au numéro 13. Donc n'hésitez pas à passer. On vous remercie pour votre écoute et on vous souhaite un excellent mois de janvier. Oui. C'était la 16e émission de À la cloche de bois. Beaucoup, beaucoup de courage à tous les students qui sont encore en blocus. Et un gros bisou à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent ici ou ailleurs. On sait qu'il y a des gens qui, au bout du monde, en Amérique du Sud, nous écoutent pour le moment. Et donc, on leur fait un gros, gros bisou. Et on espère qu'ils nous reviendront entiers. Ciao, ciao. Une pensée pour nos malades. Et une pensée pour nos malades. Bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah ah ah, la la la la la, la la la la la, ah la cloche de bois, l'émission à la cloche de bois, intersquat, militante, bruxelloise, oui oui, la seule émission militante intersquat bruxelloise de la bande FM. Oh.